Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. Et l'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota.com. Bonjourminnesota@gmail.com. I mean, you can try to email us at bonjourminnesota.com, but I don't, you know, promise that you will get a response. I can promise it won't. So, well, you never know. You know. Next time I will. Technology learn to look at, is weird sometimes. Our notes when I'm trying to remember. But good evening. Bonsoir, Adrien. Good evening, Romain. Comment ça va? Bah, ça va et toi? Très, très bien. Écoute, we're happy to be here in the studio. It's nice and warm. Yes, yeah. And we need that. And so it's just the two of us tonight. Because, Freddie, you know what? He's in Paris. That's so right. So we're not going to feel sorry for him. No, we'll have a thought for him. Yes. As because he's probably sleeping. But he's, oh, maybe he's listening to us live. We can always hope. Oh, yeah. But otherwise he will. So we can't really say anything mean about him because he would know it. So, and I don't know why we would say anything mean about him because we kind of like him. Yeah. He's been posting wonderful pictures of Paris, of his walks. So don't worry, guys. He's not here with us, but he's having a good time, a pleasant time out in Paris, where he's from. Fred often talks about Paris, and this time he went there not only for pleasure, visiting family, but also for something that is universal in France, that is called healthcare. And I mean, nothing so serious, though. Nothing serious, but this is so nice when you think of that. And anyways, we'll ask how he's doing on his way back live, and he can share. He won't be here next week either, but he's coming back actually a week from tomorrow. So right. So tonight, we don't have a theme. We're just going to play various songs, not necessarily random, but actually sort of very different genres and some recent stuff that's not as recent, and we're just gonna have fun for 2 hours. Yeah, that sounds like a great plan. So we got quite some little songs, hopefully some surprises for you tonight. What are we going to start with? We're going to start with three songs, as we always do. It's going to be two songs of Martin Lies with Demain and Elle Voudrait. And then the third song will be from Émilie Loiseau, mm-hmm. Absolutely, Icar. Ah, très bien. All right. If you're ready. Eh ben, je suis toujours prêt. On est parti. C'est parti. Ce soir, je n'ai pas envie de rire ni de parler. Ce soir, je n'ai pas envie de boire ni de fumer. Je ne veux pas m'enivrer pour rien, pour oublier. Je ne veux pas de mémoire, ni d'alcool à pleurer. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera, je veux juste marcher, ne pas penser à toi. Si une larme coule, le vent la séchera. Le soleil veille tard et le sommeil ne vient pas. La douceur se fait rare sous le bruit de nos pas. Ce n'est plus pour partir mais apprendre à rester. Je ne veux pas dormir, je ne veux pas rêver. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera, je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera. La chaleur est troublante, mais je ne veux pas danser. La musique est vibrante, mais je ne veux pas chanter. Je ne veux pas me perdre, je ne veux pas crier. Je ne veux pas d'espoir, encore moins de regrets. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera, je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera. Si c'est encore possible, s'il n'est pas trop tard. J'achèterai un livre choisi là au hasard. J'en lirai quelques lignes puis le refermerai. Je ne veux pas m'asseoir, je ne veux pas penser. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera. Si les parcs ne sont pas déjà fermés, je choisirai un arbre sous lequel m'allonger. Et à travers les feuilles, le ciel viendra pleurer. Je ne veux pas vivre en deuil, ni mourir éveillé. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je me suis endormie et je rêvais de toi si une larme a coulé. C'était la pluie, je crois, je viens de m'éveiller. Et le soleil est là, le vent sur mon visage me caresse tout bas. C'est l'été sur mon île, je regarde ma ville, si belle ce matin-là. Elle voudrait s'en aller, fuir l'hiver de son cœur. Pas rester prostré à attendre son heure, s'enivrer de soleil, puis retenir la nuit, connaître ce bonheur qu'on lui a tant promis. Et ne jamais se dire, se retournant un jour, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et de mes grands amours? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et de mes grandes amours? On voudrait se laisser prendre à ses rêves d'or, ne pas laisser passer sa chance une fois encore. Elle voudrait danser sur le temps qui défile et ne plus vaciller en marchant sur son fil. Et ne jamais se dire, se retournant un soir, je ne suis que regret, voilà ma triste histoire. Je ne suis que regret, voilà ma triste histoire. Un bout de lune et marcher les pieds nus, éclater d'un rire neuf, redessiner les mots, s'envoler en musique, rejoindre les oiseaux. Ne surtout pas se dire à sa dernière heure venue, j'aurais pu, j'aurais dû, mais tout est perdu. J'aurais pu, j'aurais dû, mais tout. Perdu. Rouler la nuit entière aux portes du désert, à la frontière de nos interdits. m'a dit oui. Tirer la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient. Wow. Première étreinte au matin pâle. Lis ton destin au mien. Wow. Serait-ce l'odeur du soir qui tombe, l'humeur vagabonde en une seconde. Je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui. Pour danser au bord de ton abîme, elle fait la dérive, mon improbable cime. Tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui. Tire la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient. Wow. Puis au matin mettre les voiles. Plus rien ne nous retient. Wow. Viens plus près. Tendrez la nuit. À de futures caresses, un doigt sur les. La nuit nous appartient. Wow. Première étreinte au matin pâle. Lis ton destin au mien. Wow. Yes, on KFAI. And you're still listening to Bonjour Minnesota. And actually, we had a little technical issue, and one of the songs, only one of the songs didn't play. So the last song that we listened to was from Marc Lavoine. And no, we just Etienne Dao, bad. Etienne Dao, it was Tirer la nuit sur les étoiles. With Vanessa Paradis. Voilà, with Vanessa Paradis, très bien. And the two first songs we listened to were Demain and Elle voudrait. Lise Martin. Voilà. Donc, so just the last song didn't play correctly, so we apologize for that. We'll try to figure it out and maybe come back to it a little bit later. But don't worry, we have a lot of surprises. Oh yeah, we have a lot tonight. Of we have a lot of music. Voilà. So, très bien. Donc, so, which songs are we going to listen to next? Hopefully. Okay, yeah, so everything works out. So we'll listen to some Paris Combo next. Oh, huh? Nice. You love Paris Combo. So we have a series of three Paris Combos. Actually, ça tombe très bien. It actually like ends up being a good fate for the Paris Combo fans. First song we'll listen from them is Kezako. And then Seine de la vie parisienne. But Seine is written like the Seine River. From Paris, and Je suis parti is the last title we'll listen to from Paris Combo. Eh ben, c'est parti alors. Voilà, ben, on est parti. Eh ben, voilà. Kezako. Thank you. par-dessus un grand canyon. On n'imagine pas le bruit du vent, on n'imagine pas même un instant. Frisson de plume être dans la peau ou d'un oiseau. Quelques mètres sous les quais, oh, oh. qu'un seul monde à la rumeur ainsi soustrait. Si ce n'était le va-et-vient des bateaux mouches et des badauds. J'y crois pas, j'suis parti, oh, oh, oh, oh. KFAI is proud to present Los Lobos at the First Avenue Main Room on Saturday, December 9th. Los Lobos celebrates its 50th anniversary as a band, a rare and impressive feat as the band continues its great legacy. Los Lobos' latest release, Native Sons, is a love letter to the city of Los Angeles and returned the band to the Grammy Winner Circle with the Best Americana Album of 2022. Tickets for Los Lobos can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. And you are back listening to Bonjour Minnesota on KFAI. Yes, and before the announcement, we listened to three songs by Paris Combo that we really like, and we miss Belle du Berry. The first song was Kezako, which is also the title track of their latest and last, unfortunately, album. Scène de la vie parisienne. Voilà. And the last one was Je suis parti. Très bien. So that was a pretty good... series of yeah. Paris Combo, which and we that's always love. That's always good to hear them. Give so. a little French touch in this show. But we have more French songs coming your way. We'll just give you a few teasers. What we've planned to you tonight are Maxime Le Forestier, Marc Lavoine, Jean-Michel Jarre, if you like electro music, quintessential. Yeah. So these are just like a few of the songs that we have lined up for you tonight. I just wanted to say again, our good friend Freddie is having a good time in France. He's sending fantastic pictures on his walks in the beautiful cobblestones of Paris. And we miss him. He will be out for the next 2 weeks. So you'll have Romain and I for the next 2 weeks here on Bonjour Minnesota, trying to provide you with the same idea, songs in French, but they are from a francophone world. Again, you're listening to KFAI, Fresh Air Community Radio, Radio Without Boundaries, and this is what we intend to do here on Bonjour Minnesota. We'll be with you until 10 p.m. Like every week? Like every week. Why every Tuesday should it night? Be different tonight? Shouldn't. No. So, and we're going to continue listening to great music. And we actually could retrieve the titles that we couldn't play earlier. So we're going to start with Émilie Loiseau, with Le Poids de l'Existence, The Weight of Existence, followed by two songs by Vanessa Paradis, who we really like too, and we don't play her often. So the second one will be Variations sur le même thème. That's the... That's the album. Yeah, that's the album. That's a good album. And that's, I think, yeah, that was the album that was written by Gainsbourg. Mm-hmm. And I can't remember what the songs will be. The first one from Vanessa Paradis is going to be L'amour, and then Dis-lui toi. Oh, okay. Oh, dis-lui toi que je t'aime. Yes. Voilà. So that will be another great series. So we're going to start with Émilie Loiseau with Le Poids de l'Existence. C'est parti. Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur du soir, habillés de candeur? Qu'est-elle devenue cette robe légère que j'avais accrochée? D'autres se sont amassés. Quelle est donc cette douleur étrange, comme un nouveau poids sur l'existence? L'insouciance était telle que nous pensions ensemble soulever de nos mains le monde qui semblait éternel. Nos enfants seraient beaux ils auraient devant eux de splendides chemins et à jamais le chant des oiseaux. Nous rêvions de tout dans tous les sens, sans souci du poids de l'existence. Douceur d'une soirée de novembre, belle comme une robe d'été. C'est alors que les ombres ont ajouté à nos êtres cette part du monde qui, au fond, nous avait échappé. Nous courions en larmes dans tous les sens, à la recherche du poids de l'existence. Quand nous avons marché, levé nos corps pour que le monde nous entende, nous avions foi en quelque chose. Se pourrait-il qu'un jour la beauté nous rassemble et nous emporte si haut? Thank you. deux. Surtout pas deux. Panique. Sois chaleureux. Je veux. Tu es pas trop, cynique. Mais qu'as-tu fait de moi? Je ne sais pas. L'amour à deux, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux. Thank you. Et voilà, we are back, and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio, and we listened to three songs. The first one was... We listened to Émilie Loiseau. With Icar. Icar is the album, and the title of the song is Le Poids de l'Existence. Oh yeah, that's right, sorry. Very good song. And then we listened to two songs from Vanessa Paradis. Yeah. What did we listen to? We listened to L'Amour à Deux. And that's from the variation sur le même thème. Thème could be theme, T-H-E-M-E, but that's thème, T-apostrophe, A-I-M-E, A-I-M-E, which means, you know, to love. That's, you know, je t'aime, I love you. That's the same spelling. So it's a play on words. And again, it's an album that was written by the great Serge Gainsbourg. And the second song by Vanessa Paradis, the last one we listened to, was Dis-lui, toi que je t'aime, from the same album. So those were really good songs. And again, it's too bad that we don't listen to Vanessa Paradis as much as we should, actually. I do. Yeah. I mean, no. I mean on KFAI. On KFAI, yeah, and on there's Bonjour something. Minnesota. Yeah, that's why it's nice to share sometimes. And what's cool with Vanessa is just like her range, her unique voice, and also the intergenerational influence she's had now. I mean, she's still like really active in music. Started with Joe de Taxi, obviously, when she was 14. Mm-hmm. 14, and then even during my youth, when I still lived in France, I had, I have some classic songs that I remember from her that are still like that I'm still listening to today. Yeah. And more recently, had a nice album about Paris, mm-hmm. on La Seine. Well, that's the Un Monstre à Paris. That's the soundtrack. Yeah. That she participated in with M. Mathieu Chédid. Yeah. Yeah, that's a great animated film, actually. So we have 10 more minutes until 9 o'clock. So we're going to listen to three songs. One, actually, of them is 8 minutes long. Yeah. That's a pretty long one. That's the Passer ma route. That's the first one we're going to... to listen to. Mm-hmm. Then it will be Cicatrice or Scars, still by Maxime Le Forestier. And the third one is a song that I really, really like, San Francisco, still by Maxime Le Forestier. And he talks about the, you know, hippie and beatnik times in San Francisco, and when they were all gathering in a blue house. And that blue house really exists, and I had the chance to see it last year. I was in San Francisco over the holidays, and that was really emotional to see the La Maison Bleue that I've known ever since I can remember through that song. So it's a beautiful song about San Francisco, and it's very nostalgic, and he's thinking of his friends, and he's wondering where they're at now, the friends that he that were very dear to him back in early 70s. So, all right. So we're gonna start with Passer ma route. Then we're gonna do the 9 o'clock announcement. Yes, and then we're gonna listen to the other two songs. Okay. Now for Maxime Le Forestier. Yeah, c'est parti. Laissez-les dans les cartons, les plans de la planète. Faites-les sans moi, n'oubliez pas les fleurs. Quand ces rétroviseurs-là passent par la tête, j'ai du feu sur le gaz et je m'attends ailleurs. Je fais que pas tracé ma route. Pas vu se tracer, tracer entre les gouttes. Eva est belle. Tellement bien soigner la peau, on se prendrait pour elle. Faut que je pense à me trouver un métier. Autant manger de ce qu'on aime, je ferais bien rebelle. Mais l'école de la rue, comme les autres, j'ai séché. Que passer ma route, pas vu seul tracé, passer entre les gouttes. Eva des belles. Un gris-gris que j'aurais eu sans sa voix. Chez les tambours des sorciers, sous les échelles, dans les cul-de-sac infestés de chats noirs. Je fais que passer ma route, pas vu, seul, tracé. Passer entre les gouttes, et va des belles. Minnesota. Et vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM, Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Yes, you're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Voilà. Dans sa tribu, seul issu, pour éloigner les maléfices, on dessine des cicatrices dans des coins inattendus. Cachés, si bien cachés, bien qu'à chercher la cachette, autant j'aurais passé. Appuyé sur la gâchette, je dirais pas où c'est. Secret, le jeu des formes et les couleurs qui changent, les encres sucrées. Secret, les parfums qui s'y mélangent et trahir un secret. C'est des trucs à réveiller les sorts, les diables et les feux follets. Je sais que si tôt qu'on trouve de son pas de louve, elle disparaît dans sa tribu. Dans sa tribu, seule issue, pour éloigner les maléfices. Quand on trouve une cicatrice, on fait celui qui a rien vu. Chercher la cachette, autant j'aurais passé couché, appuyé sur la gâchette, je dirais pas où c'est. Elle rougit déjà rien qu'à penser que j'y pense, alors vous pensez la tuile que j'aurais comme récompense, j'aurais pas vu tomber. Elle dira c'est tenter la malchance de crier ça dans la rue. Elle dira tout m'est égal, tu m'as trouvé mal, tu m'as perdu dans sa tribu. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route. Et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi, nageant dans le brouillard. Enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera Tom à la guitare, Phil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous? Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accroché à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplé de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplé de lumière et peuplé de fous, elle sera dernière à rester debout. San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous? Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi. Et voilà, we are back. And we listened to three songs. Well, yes, and in the middle of those three songs, after the first one, we did the radio announcement. But we listened to three songs by Maxime Le Forestier. The first one was Passer ma route. Then it was Cicatrice, and the last one was San Francisco. Now we are going to talk a little bit about the events. Yeah. Okay, so for the events, we got tomorrow at noon, there's an event at the Alliance Française, 227 Colfax Avenue North, Minneapolis, and that is a Christmas around France with Joe and Dottie Zanner. So be ready to cook for that one and learn more around that world. There may be a participation fee, so we'll let you check on that. Well, yes, because that's it's an actual Alliance Française class. Yep. So yes, there's definitely a participation fee, so you can see that online. And then also, because it's tomorrow at noon, if you're really interested and you're spontaneous, you can call in the morning and make sure that there's a room available for that event. Another event that is after tomorrow, on Thursday, is starting at 6 p.m. until 9 p.m., and that's the Apero Mexicano de Noel 2023 edition that will be at Tinto Kitchen and Mercado, which is at 4953 South Penn Avenue in Minneapolis, and that is organized by our friends of Minnesota Accueil. Great. On Thursday as well, there's an event at the Alliance Française at 6, and it is L'Effet Waouh! And so it is a dance demonstration. It will be in the Valor Gallery, and it's the first dance company in residence at the Alliance Française. So it is the event is for the residency opening, and they actually invite us to engage with beautiful dance time. So it might be fun. Actually, that's not the type of events that we have a lot. That sounds really fun. Oh, yeah. On Saturday morning, two events at the Alliance Française that will happen at the same time. The Petit Déj, because, that's the first Saturday of the month. And the first Saturday of the month means Petit Déj at the Alliance Française. And it's basically a conversation event around coffee and pastries. It's usually in the Grande Salle at the Alliance Française, and it's really popular. There are always a lot of people. Participation is great. And at the same time, still at the Alliance Française on Saturday, December 2nd, is the yearly Marché de Noël, the Christmas market. Quite a few vendors will be showing their crafts and art, etc. And of course, you'll be able to purchase that. Beeberry dessert will be there, of course, if you need a good coffee and pastries. So the Marché de Noël will be from 9:30 to 12:30 on Saturday. It will be next week, but you still need to register. There's the yearly Fête d'hiver at the Alliance Française, the winter celebration and dance party. And it is split in two parts. The first part, which will be from 6 to 8, it's more like for families with the traditional vin chaud, bûche de Noël, and music. And of course, Papa Noël, Santa, will show up and give presents to children. But then from 8 to 11 is the second half of the night is called Voyage Voyage with Jake Rudd, a French dance party from the 60s to today. And that part of the event is for 21 year olds and up. And it's a very cool DJ. And there's going to be great music, great company. There will be, well, you know, wine and beer for purchase, and most likely snacks and etc. And I'm planning on going. Yeah, well, that sounds great. It's a good way to end this series of events. Yes, and that will be again at the Alliance Française, of course, at 227 North Colfax Avenue. And you can get more details on afmsp.org. And you may also register online. There's a participation fee for the Fête d'Hiver, but not for the Christmas market. So, I mean, donations are always appreciated, though, but it's not, there's no participation fee. So, should we continue listening to some music? Absolutely. I was just going to go there. So, thank you for the events, Romain. Now, we have a next series of songs, all from Marc Lavoine. The first one will be Adulte Jamais. The second one will be Notre Histoire. And the last one, Je descends du singe. Allez, c'est parti pour Marc Lavoine. Eh ben allez, c'est parti. Et si on avait plus souvent raison à 19 ans? Je ne mangerai pas la soupe, je ne jouerai pas le jeu, je ne suivrai pas la troupe. Pourquoi s'inclète pas mieux? Je ne jetterai pas la pierre à la femme adultère. Je ne tuerai pas mon papa parce que j'aime pas Lacan. Voilà, je voterai pas pour vous la corde autour du cou. Je ne tendrai pas l'autre joue parce que je sais que c'est pour des clous. Et si je casse ma plume, si vous me brisez les crayons, ma mémoire à titre posthume continuera d'écrire ton nom. Un homme. Un jour, qui sait, un homme, peut-être, adulte, jamais. Je marcherai que sur les bandes blanches au passage clouté. Et plutôt qu'avancer seul, je préférerais marcher groupé. Je verrai toujours des monstres dans la forme des nuages. J'aurai toujours un peu de mal à rester sage. J'essaierai toujours souvent d'esquiver l'autorité. Obéir ne sera jamais vraiment une priorité. J'aimerais toujours les intellos, mais je préférerais les marrants. Je chercherai toujours un peu dans le regard de mes parents. Je ne quitterai pas mon enfance, je ne brûlerai pas les bouquins. Je ne trahirai pas la France, parce que je sais que c'est une fille bien. Je resterai fidèle, ma banlieue dans les yeux, aux valeurs éternelles, avec du rouge, du blanc, du bleu. Un homme, peut-être, un jour, qui sait. Un homme, peut-être, adulte, jamais. Je penserai toujours que les qualités d'un homme brillent bien plus souvent dans la marge que dans la norme, qu'un gros compte en banque ne donne raison à personne, que c'est jamais les plus grandes gueules qui m'impressionnent. J'aimerais toujours les écorcher, les rebelles, les bizarres. Je pourrais vivre sans ma banlieue, mais pas sans mes banlieusards. Je me méfierai toujours des vedettes et des stars, et d'un monde dirigé par des mecs en costard. Je ne lâcherai pas les idées de la classe ouvrière, de ceux qui ont résisté, qui sont crevés pendant la guerre. Et j'oublie pas mon vieux prof, qui parlait des mots beaux, qui vivait philosophe, et qui disait stricto senso. Un homme, peut-être, un jour, qui sait, un homme, peut-être, adulte, jamais. Je pense encore que je peux être pompier, footballeur, inventeur, aviateur, peut-être même un jour chanteur. J'ai des projets de gosse, des délires d'adolescent, des envies féroces et des rêves incandescents. Et si on percevait mieux le monde en arrivant, la candeur d'une jeunesse, c'est jamais décevant. Je conduirais toujours en faisant un bras de fer contre le vent. Et si on avait plus souvent raison à 19 ans? Notre histoire, elle s'écrit en quelques mots. Sous la pluie quand il fait beau, elle s'étire. Elle s'égare sur le quai de notre histoire. Elle est comme la vie des gens, perdue dans des sentiments. Elle s'invente au hasard. Elle est comme, c'est notre histoire. On a peur d'être fragile, d'en perdre à jamais le fil. dans les lumières de la vie, les rêves de pacotille. Ça n'est pas original, je t'aime en état normal. C'est un thème aléatoire, mais j'y tiens, c'est notre histoire. Elle est belle, elle est banale, elle va danser dans les balles. En avance, en retard, la pendule de notre histoire. Elle est sans parole souvent, elle se bat contre le temps. Elle nous en a fait voir, mais voilà, c'est notre histoire. On fait des figures de style, comme des anges en exil. Dans la folie de la vie, des choses de pacotille. Ça n'a rien d'original, je t'aime en état normal. C'est un terme un peu bizarre, mais j'y tiens, c'est notre histoire. Qu'on raconte au bord d'un lit, c'est un vol de colibri. Un retour, un départ, quel voyage, notre histoire. Sur les chemins, quand je perds la mémoire, je m'accroche à notre histoire. Elle est nue tout simplement, quand elle court à travers champs. Elle a peur dans le noir, elle est comme c'est notre histoire. Comme un linge, descends du singe. Il y a des jours à te chercher sur les ruines de mon passé. Je suis blanc comme un linge. Je descends du singe. Minnesota Dose on KFAI. Smell that? Smells like an advance in medical science. A new treatment has helped people regain their sense of smell after COVID-19. The Center for Infectious Disease Research and Policy reports that researchers at Jefferson Health in Philadelphia performed a procedure called a CT-guided stellate ganglion block on 54 patients. These patients all had long-term smell impairment resulting from COVID-19. 59% of those reported improvement within a week of the procedure. Stellate ganglion blocks take about 10 minutes to perform and are also used to treat head, neck, and arm pain. It involves an injection of an anesthetic and an anti-inflammatory into the stellate ganglia, which is a bundle of nerves on the side of your neck. No complications or adverse events were reported. The block can be performed on the other side of someone's neck at a later date to improve outcome. That's all for now for the Minnesota Dose on KFAI. I'm Ryan Dawes. And we are back. Yes, and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. Voilà, voilà. And we listened to three songs by Marc Lavoine, who actually used to be our neighbor in Paris. No way. Well, yeah. Tell us more about that. Well, it would seem, often, but he was living like literally like, you know, half a block away from us, by Rue Saint-Honoré, and we would see him usually in the concept store Colette, which was very, very cool. That was right, you know, by our place and by his, actually. So, all right. So we listen to Adulte Jamais, which is the title track of his latest album, Adulte Jamais. Then Notre Histoire from the album Je Descends du Singe. And then the title track of that album, which was his penultimate album, Je Descends du Singe, was the one before Adulte Jamais. And so the song was called Je Descends du Singe. And we are going to continue, and we're going to move on to electronic music, but not electronic like, you know, when you think of electronic, like, you know, French 79 or Daft Punk, etc. Here, that's really like, Jean-Michel Jarre was one of the pioneers of electronic music. He actually invented instruments like the Laser harp. He invented that, and there are two. The first two is Rendez-vous 3, and Rendez-vous 4 is the one that's so well known that I used to play on my small synthesizer when I was, you know, 10. I was playing the fourth Rendez-vous by Jean-Michel Jarre. And then Rendez-vous in Space will be the third track that we're going to listen to. Yeah, and Jean-Michel Jarre is still touring. And Jean-Michel Jarre, for the because we like to give, you know, details like that and like trivia, he's the artist who had the largest concerts ever. So even if you think of, you know, Paul Simon in 1991 in Central Park with like 750,000 people, well, that's nothing compared to the millions of people who showed up at some of Jean-Michel Jarre concerts in, I think the largest one was on the Red Square in Moscow. And we're talking about, I think it was like 3.5 million. I mean, it was just unbelievable. And he would always have those concerts in very iconic locations, like the pyramids in Egypt or the Red Square. I think he had one also in the Forbidden City in Beijing. And you should check him out online and just look at the you know, the numbers for his concerts, but it's just unbelievable. So we're going to start with rendezvous number 3. Well, enjoy. Thank you. A rendezvous in space could be a meeting with other space travelers, human or alien. It could be revisiting a colony in space, on a planet or a space station. Obviously, there'll be a great deal of lovemaking in space, and some suggestion that it's already happened. Making love under low gravity obviously has attractions, and how often is a way to your partner sort of cut off your circulation? Oh, KFAI is proud to present Orkestar Bez Ime at the Cedar Cultural Center on Saturday, December 2nd. The Cedar celebrates the 21st anniversary of Orkestar Bez Ime, the award-winning Balkan party band from the Twin Cities. They will be performing material from the forthcoming album, 21, their first album in over 10 years, bringing together all the elements of music from the Balkans and Eastern Europe, which have made them an audience favorite. Opening the celebration is Ukrainian Village Band. Tickets for the Orkestar Bez Ime can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. Et voilà, we are back on Bonjour Minnesota, on KFA Radio, and this is Romain. Et Adrien. And we just listened to three tracks by Jean-Michel Jarre, the one and only Jean-Michel Jarre. And the three songs, or the three pieces were Rendezvous. The first one was the third Rendezvous. The fourth one, the second one was the fourth Rendezvous. And the last one was Rendezvous in Space. Dun, dun, dun, dun. Excellent. Yes. And so good. And we're with you for another 15 minutes until Nikolai shows up for Balkan Jamboree. And we're going to listen to three more songs. And the first one is Thierry Hazard with Le Jerk. Yes. I love that song from 1990. It's still on my playlist that, you know, we listen to in the car. Then another classic. Peter S. Sloan with Besoin de rien, envie de toi. I don't need anything, but I just want you. And the last one, or the third one, is by Jesse Garonne, which I think it was Elvis Presley's real name. Jesse Garonne was like a rockabilly and a wannabe from the 90s. And the song is C'est lundi. It's Monday. So let's start with Thierry Hazard and Le Jerk. Toute la journée au téléphone ou à taper à la machine, les yeux rivés sur sa quête d'onne, Joséphine attend que ça se termine. Elle se dit qu'avec son tour de poitrine, oh, du genre Dolly Parton, elle pourrait poser dans les magazines comme Olivia Newton-John. Quand Joséphine sort du bureau, elle passe aussitôt chez sa cousine Berthe. Ensemble, elle court au club à gogo pour aller danser le jerk. Yeah.

les 20 heures. My sister says to me, donate your old car to KFAI. And I say to her, you mean just give it away? You're crazy. Then my sister says, okay, how much is that car worth to you? And I say, nothing. She says, what would a dealer give you? And I say, nothing. And she says, well, it's worth something to KFAI. Give it to them, and they'll get some money for it and use it to make the radio you love. I know she's right, but I say, I bet it's hard to do. And she says, no, just go to their website, fill out a form, and that's it. They haul your car away, and you're done. Except that you might get a tax deduction. And I say, I guess Mom was right after all. You are smarter than me. And my sister just smiles. Go to kfai.org, click donate, and scroll down to vehicle. And we are back on KFAI. Bonjour, Minnesota. And we listened to three songs from the 80s and early 90s with Thierry Hazard and Le Jerk. Followed by Besoin de rien, envie de toi by Peter et Sloan. And the last one was C'est lundi by Jesse Garonne. And actually Nicolas is already in the studio for Balkan Jamboree. We have three more minutes, so it's time to say good night. We'll be in the studio next week, still just the two of us with Adrien. And now we're going to listen to Pleurs de fumoir with Benjamin Biolay. Au revoir, bonne nuit. Au revoir, it's from Hoshi. Oh, tu sais, mon cœur est dans le même état que mes poumons. Tu connais l'odeur de nos clopes incrustées sur nos blousons. Je fume les rumeurs, elles finiront noyées dans ma boisson. Et ça fait des heures que je t'attendais pour une discussion. On s'offrira à boire pour battre notre peur du soir. On se racontera nos histoires accoudés au comptoir. On arrêtera les bagarres, on rachètera même le bar. On finira sur le trottoir avec nos pleurs de fumoir. Avec nos pleurs de fumoir. Avec nos pleurs de fumoir. Ça fait quelques heures que je me perds. Voting for the KFAI Board of Directors annual elections is happening now until 5 p.m. on Tuesday, December 5th. You can go to the KFAI website and find the ballot link. KFAI members and subscribers. Check your email. We also